Cheers.

cracher. Je m'amène le cahier comme si je taillais ma chair. Rappel, amen. Au départ, j'étais le verre. J'ai trop de verre, comme parler que de verre. Vois mes verres, mes vices, mes verres. Tu des verres, c'est quand je converse avec la feuille de vierge. Et c'est pas gagné, quand je vois que tout converge à nous condamner, à cramer, puis faner. Pour notre calme, moi je veux planer, flâner. Je vois que mes corps serrent, trop tôt, non, je veux glaner des années. Je rappe et défamer, fort dans la gueule du système. Tu m'auras pas, société, je convertirai tous ceux qui t'aiment. Tout ce t'as dupé, parasité comme une antenne. Trompé, pompé, jusqu'à ce que leur raison s'éteigne. On restera dans ton propre bouc émissaire, c'est sûr, avant de capter qu'on pousse des êtres humains. Tous dans la même merde et on se chie dessus. Communauté, égale, ennemi commun. On restera notre propre bouc émissaire, c'est sûr, avant de capter qu'on pousse des êtres humains. Je me sens ni français, ni blanc, ni rien, je t'assure. Y'a même des jours où je me sens pas mon terminal. Je me dis que ça se passe comme ça, mais nique-toi. C'est fou, tu niques-toi. Que l'humain est mauvais, t'as nique-toi. Tout ça est faux, on peut changer si on y croit. On est tout le monde pour manger, et tu parles de toi. Alors attire-toi, allume, sois créatif. Ça fait que tu crois, j'ai son critique. Flasher les métiers, grâce à ton équipe. Ça fait que c'est toi, exprime-toi. Mais apprends à jouer pour l'équipe, alors. On restera notre premier émissaire, c'est sûr. Si tu comptes m'arrêter, on va poursuivre comme un putain de réveil. Hey, t'as Thank you. vous êtes de conscience. Gens du capital, vous êtes de conscience. Que nous, on a la dalle, la fougue et le bon sens. La foule et la bon sens, ce soir c'est affolant, c'est la folie dans l'ambiance. Avant de foutre le box, il faut allumer le fire, foutre le bordel dans la France. Vas-y, perturbe la place. La vie est dure, ça brasse, la weed est pure, ça casse. Comme un con tu gaulerie devant ses clowns, sans le barbie belle sur la face. Mais eux aussi ils doivent se marrer, tant que tu votes docile, eux peuvent se parer. 200 ans d'oligarchie, quelle fin de taré. Mais moi comme un vieux singe, j'observe et déduis que vos grimaces c'est votre linge, que votre savoir est réduit. Je suis un animal. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux naturel, primitif. Un animal instinctif, bestial, comme un oiseau, je sais. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Je suis un lion, un animal, sois mignon. Si tu ne peux pas goûter ramadan ici, je suis un chat, je m'en fous de ta vie. Et en plus de ça, bah, c'est ma place ici. Un chien, je t'ai trop senti arriver. Mais bien, tu seras au pote. Allez, bye bye, salut. Bien essayer, mais nous on voulait être. Quand tu voulais la certitude d'être payé, et nous juste peut-être vivre. Sans l'aide suivre comme les animaux criés, les plus radios croient que c'est beau la vie, touché par les beaux. Quand tu voulais des lingots, malgré la paperasse qui t'a donné tout, j'en ai déjà dit trop. La France, j'en ai pas, je suis chaud. La bourse, c'est des casinos, là le casino. Je suis pas casino pour me calmer, faut quasiment une camisole et quatre schizos. Amène des fous qu'on jappe. Affaire est triste avec les gens sains d'esprit. Amène des plus on se bat. Dans le bâtel, du bise on s'en dit. Amène des fous qu'on parle. Au nom du frère, je twist, je suis un animal. Un animal. Un animal. Je suis un animal. J'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Je suis un cobra. Un animal. Nique les combats. Je t'attaque au visage et je te. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai un croc, j'ai un creux. Et toi aussi tu es un animal, fais ton choix mon vieux. Tu es perpétué. L'humain se croit supérieur, mais ce n'est qu'un animal. Détruit la planète, soi-disant pour le meilleur, elle ne lui rendra rien. Et c'est pas plus mal, rouler du béton partout. Dominer la nature, tout faire tourner autour des sous. Yeah.